Mon nom c'est Nestor, c'est qui m'aime et qui me suit. Qui me hait, qui me fuit, qu'on me parle, pas de compromis. Je viens pas chercher des potes ou lécher des bottes. Enculé, me faire qu'on me casse les côtes que d'être manipulé. M'organise, qui t'a escaté mes gâteaux. T'inquiète, j'ai mon pire pour quitter mon putain de ghetto. C'est clair mon frère, on a qu'une alternative. Quand tu remplis ta gamelle, c'est de la mienne que tu me prises. C'est comme ça, donc t'étonne pas si demain c'est dans ta bouche, dans ta main que j'aime prendre mon pain. Qu'est-ce tu crois, peu Albert civil à rien. C'est à deux contre le monde, on vient tracer notre chemin à mort. Ceux qui se prennent pour ceux qui ne le sont pas, t'as tort. Si tu viens m'embrouiller sans tes gars, corps. C'est l'ambiance qui règne dans les rues de ma ville de Yen. Où il ne fait pas bon, traîner au feu dans un Cayenne. Ma rage est si profonde qu'on ne peut la sonder. Lucie tourne autant que les condés. Ce monde est si dégueu qu'on se demande qui l'a fondé. Mène et Dark la référence dans cet art bondé. Lyrica l'assassin. Tu connais l'équipe et tu connais l'engin. Mène et Dark Lyrica l'assassin. Tu connais l'équipe, tu connais l'engin. Mène et Dark. On vient filier 9-3-300. Qui peut tester le pilier. Mène et Dark. Les balles puissent sur nos croix. Qui peut tester le 9-3. Les bons comptes font les bons amis, je te dois rien, rien à personne. Tu sais bien, je mène une vie de chien, tu crois quoi. Je suis arrivé là en miaulant, j'ai tendu la main. On m'a tendu des pics, des poils, on t'étonne pas. Aujourd'hui je pense à manger avant de donner. Laisse-moi me remplir, la date je t'ai rencontré seul. Ça tu peux le dire, aujourd'hui je la quitte. J'ai pas besoin de toi pour en finir, je l'espère. Quand les putes doutent et pompent à l'écoute. Mais j'espère qu'un de ces quatre, elles croisent ma route. Je peux plus me taire pour te plaire. Je vois même pas une goutte de ma fleur. Tu te leur faut faire, je t'enterre, c'est clair. Que si tu déconnes, mec, je t'en file. Ma reconnaissance dans le poulet encore, je reste clean. Lyrica l'assassin, tu connais l'équipe, tu connais l'engin. Mène et Dark. On vient filier 9-3-300, qui peut tester le pilier. Mène et Dark. Les balles puissent sur nos croix, qui peut tester 9-3. Mène et Dark. Mène Storm, D.A.R.K. Hiroshima, y'a quoi. Y'a quoi. Y'a quoi. Mène Storm, D.A.R.K. On vient filier 9-3, qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Hiroshima, Mestor D.A.R.K. La distrib. 1, 1, tu peux tester. 1, 1, tu peux tester. Y'a quoi gros.